Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Brexit means Brexit. Cette semaine, histoire d'une séparation. Si un membre majeur dit à la majorité, en somme, bah nous on s'en va, ça veut dire qu'il y a aussi un problème chez nous. De l'après-guerre aux lendemains incertains. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à entamer la révolution industrielle, à entamer l'industrialisation. C'est finalement la conséquence, le premier pays aussi qui a des territoires industriels qui sont en difficulté. Brexit means Brexit. L'épopée du Brexit. C'était le refus de voir la vie de cette île conduite à partir de Bruxelles. The British people took in a referendum. On a trop tendance à caricaturer les Brexiteurs comme, en gros, des demeurés. The UK has voted to leave the European Union. Après Michel Corman, Marie-Claude Esposito, Sylviane Saint-Saëns, nous recevons aujourd'hui au micro d'Histoire vivante Marc Belloni. Vous avez également contribué à ce numéro d'Outre-Terre paru en 2016, sur lequel nous revenons cette semaine, à savoir consacré au Brexit. Mais il y a une tradition dans cette émission, c'est que les invités sont amenés à se présenter avec leurs propres mots. Alors je vous y invite. Bonjour à tous, je suis Marc Belloni, je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine à Nancy. Je suis géographe de formation et je suis spécialiste de géopolitique et donc je travaille plus particulièrement sur les questions géopolitiques internes au Royaume-Uni, c'est-à-dire tout ce qui concerne les affaires intérieures au Royaume-Uni. Je porte finalement assez peu les questions extérieures, les relations extérieures par exemple avec les États-Unis ou même finalement par rapport à l'Union européenne. Je travaille essentiellement sur des questions de régionalisme, d'identité régionale et plus spécifiquement donc dans le nord de l'Angleterre. Une question d'ordre général, Marc Belloni. Pourquoi avez-vous choisi géographie plutôt qu'histoire ? C'est une question bateau, sans doute. Oui, c'est parce que là-bas, je suis très intéressé dès le départ par la géopolitique. Pour moi, la géopolitique, c'est de la géographie, c'est le territoire avant tout, c'est une réflexion autour du territoire. C'est vraiment comme ça que je conçois l'analyse de ces questions-là, davantage finalement qu'une approche historique, même si pour moi, l'histoire est forcément très importante. Hein. Vous dites territoire, mais on pourrait dire aussi territoire et idées. En géopolitique, on aime plus finalement que le terme d'idée, c'est le terme de représentation qu'on utilise beaucoup. La façon dont les différents acteurs d'une rivalité, d'un conflit, d'une question politique finalement se représentent le territoire. Et comment finalement le territoire, son histoire, ses configurations spatiales, ses caractéristiques socio-économiques, les questions identitaires qui existent dans la population de ce territoire-là, finalement nourrissent aussi ces représentations géopolitiques. La distinction à faire entre une représentation et le modèle original qui la fixe, c'est celui qui étudie le phénomène, la chose. Plus précisément, dans une approche géopolitique, on étudie ce qu'on appelle les représentations contradictoires, c'est-à-dire les représentations de tous les acteurs. Quelque part, notre objectif en géopolitique, c'est pas de chercher la vérité, c'est juste de montrer pourquoi il y a un conflit et quelles sont les sources de ce conflit-là. Comment le territoire, les représentations des différents acteurs sont en contradiction à propos de tel ou tel enjeu, et donc comment cette contradiction de telle représentation finalement nourrit une rivalité, une tension, un conflit. Est-ce que dans cette approche-là, Marc Belloni, vous conviendriez, vous qui êtes en face de moi, mais également vos collègues, qu'à partir du moment où vous ne vous prononcez pas sur une responsabilité dans le cas d'un conflit, vous vous placez sagement, on va dire, dans la catégorie de la neutralité, mais on pourrait être plus cruel dans la formulation. Oui, après... Vous ne vous engagez pas. Non, l'objectif, c'est pas forcément de s'engager, mais c'est pour donner à mes étudiants, ou de façon plus générale au grand public, c'est un terme un petit peu bizarre, mais j'aime pas trop ce terme de grand public, mais finalement, nourrir des débats de société sur des éléments qui sont assez concret, assez solide. En fait, l'objectif, c'est peut-être davantage d'aider les gens à se faire une opinion, mais l'objectif de rechercher une neutralité est quand même important, de ne pas aborder un conflit avec un point de vue, des a priori, avec un positionnement politique ou autre trop fort, ça reste quand même essentiel, sinon on passe vraiment beaucoup à côté de vraiment beaucoup de choses. Mais c'est sûr que personnellement j'ai des opinions, mais j'essaye de passer outre pour avoir une analyse peut-être plus à la fois complète et qui permet justement de nourrir la réflexion. J'essaie de réfléchir avec vous sur les cas où cette approche est rendue difficile. Dans le cas par exemple où les plateaux de la balance sont particulièrement déséquilibrés, entre deux forces antagonistes. Comment se place-t-on ? Ça ne change pas la manière de travailler ? Si, forcément. Et puis, il y a parfois des enjeux qui dépassent le simple positionnement politique. J'étudie pas ces questions, donc quelque part... Vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise. Je suis tranquille. Je veux dire, au Royaume-Uni, ça reste quand même un climat relativement calme, relativement serein, de débat, de démocratie, etc. Mais forcément, je crois savoir où vous voulez en venir. Mais forcément, dès qu'il s'agit à la fois de conflits violents, par exemple des crimes contre l'humanité sont menés par tel ou tel parti, là, ça devient forcément beaucoup plus complexe de rester sur une situation neutre, c'est évident. Vous avez donc choisi de ne pas travailler l'Afrique du Sud, par exemple. Par exemple. Non, mais c'est. Mais justement, avec vos collègues que vous pouvez croiser, est-ce qu'il vous arrive d'échanger là-dessus et de réfléchir aux outils ? Oui, la réflexion sur les outils, elle est essentielle, mais de toute façon, finalement, l'idée, c'est pas non plus de faire un travail de journaliste, c'est pas non plus de rapporter les choses. L'idée, c'est d'expliquer les choses. Alors, oui, certains de mes collègues vont parler de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de choses extrêmement violentes, vont relater des positionnements qui peuvent paraître pour une grande majorité des gens complètement amoral autour de dictatures, de régimes totalitaires. Mais dans un positionnement plus d'analyse, on va chercher à comprendre pourquoi finalement ces différents acteurs agissent de cette manière, comment ils justifient ces actions qui peuvent paraître complètement ignobles. Quels discours sont construits à partir de... Voilà, quels discours sont construits, quels projets pour le territoire sont également construits autour finalement de leurs actions, qu'est-ce qui motive tout simplement leurs actions par rapport au territoire et par rapport au projet qu'ils ont pour ce territoire-là. Marc Belloni, vous parliez de représentation, il va être précisément question de cela dans l'entretien que nous allons mener aujourd'hui autour de votre article paru dans la revue Outre-Terre en 2016, je le rappelle, « Nord de l'Angleterre, enjeu géopolitique d'un territoire périphérique ». Alors ce territoire du Royaume-Uni, traditionnellement, il est entendu, il est perçu, tout au moins c'était ma représentation avant que de vous lire, qu'il y avait un nord pas gâté, et puis il y avait un sud qui était franchement mieux loti. Un sud dynamique et prospère, un nord anciennement industrialisé, désormais lesté par des difficultés sociales profondes. Clivage économique, mais pas que, des clivages aussi culturels, sociaux, on vient de le dire. Et puis en vous lisant, on réalise qu'il faut quand même faire quelques updates, quelques mises à jour, c'est-à-dire que ce clivage-là, il est fondé par rapport à une représentation qu'on a à un moment donné de l'histoire du Royaume-Uni, 19e si je ne me trompe pas, mais que ces choses-là ont bougé. Alors à vous. Alors oui... Cette idée du clivage nord-sud, c'est en effet un schéma, une sorte de description finalement très, très brève et très rapide, mais aussi trop brève, trop rapide, trop simple de cette géographie du Royaume-Uni, quel que soit finalement l'angle qu'on va prendre en compte pour étudier cette géographie du Royaume-Uni. Alors déjà, si on parle du Royaume-Uni, il faut déjà rappeler qu'il y a bien entendu quatre composantes, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord. Et quand on évoque cette idée du clivage nord-sud, généralement, on se focalise quasi uniquement sur l'Angleterre. L'Écosse et le Pays de Galles, pour rester dans le contexte britannique, l'Écosse et le Pays de Galles ont des caractéristiques historiques, socio-économiques, finalement assez comparables au nord de l'Angleterre. C'est aussi des régions industrielles qui ont connu les mêmes difficultés, etc. Mais l'évolution... géopolitique de ces deux territoires, Écosse et Pays de Galles, finalement, avec leur autonomie, avec leur mouvement nationaliste, fait que, généralement, maintenant, quand on parle de clivage nord-sud, on prend uniquement en compte le nord de l'Angleterre, on se fixe vraiment sur le territoire, sur l'espace anglais. Alors, en effet, ce clivage nord-sud, il apparaît, il est visible avec l'industrialisation du pays, quand les usines, les mines se situent surtout au nord du pays. On a finalement dans un premier temps un dynamisme, une modernité économique, surtout dans le nord, hein, au XIXe siècle, mais il devient on va dire, entre guillemets, un problème géographique, un problème spatial au XXe siècle, dès les premières difficultés socio-économiques que connaissent les industries et les mines britanniques. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à entamer la révolution industrielle, à entamer l'industrialisation. C'est finalement la conséquence, le premier pays aussi qui a des territoires industriels qui sont en difficulté. Les premières difficultés, elles apparaissent dans les années 30, dans les années 1930. Et à partir de là, donc, commencent à apparaître des discours, des travaux de gens spécialistes de géographie, d'aménagement du territoire, qui montrent bien qu'il y a des disparités socio-économiques qui se creusent entre le nord et le sud. Et puis ces difficultés, elles augmentent au fur et à mesure après la Seconde Guerre mondiale, pour devenir vraiment extrêmement puissantes, puisqu'on va vers une désindustrialisation extrêmement renforcée à partir des années 1970. Et peu à peu, en fait, on a cette idée d'un vieux nord industriel qui a du mal à se reconvertir, tout simplement, alors que le Sud, de plus en plus ancré dans une économie de plus en plus mondialisée, apparaît comme étant le gagnant autour de Londres de cette nouvelle réalité économique. Ça, c'est un peu le schéma traditionnel, c'est un peu l'image traditionnelle. Après, pour analyser la situation de ce clivage nord-sud actuellement, il faut bien prendre en compte la question de l'échelle. À quelle échelle on va se placer ? Si on se place à une simple échelle régionale, oui, les régions du Nord sont en difficulté socio-économique par rapport au Sud. Oui, dans le Nord de l'Angleterre, l'économie est beaucoup moins solide, beaucoup plus fragile, les difficultés sociales sont beaucoup plus fortes, quel que soit l'indicateur qu'on prend en compte, les revenus médians, l'emploi, le taux de chômage, pardon, tout simplement, des indicateurs aussi très, très sociaux comme le niveau de santé, l'espérance de vie, le taux d'obésité, etc., etc. Tous ces indicateurs sont systématiquement plus mauvais pour les régions du Nord. Donc ça, c'est une analyse régionale. Donc au niveau des régions, finalement, elle existe toujours et elle est toujours très visible. Mais après, si on change d'échelle et qu'on analyse la situation plus au niveau local, on va trouver au nord des territoires, certes en très profonde difficulté, mais aussi des territoires relativement prospères, finalement dans une situation relativement bonne. Et c'est la même chose dans le sud. Dans le sud, globalement, on va plutôt être sur des territoires qui vont être dans des situations économiques relativement bonnes, mais on va trouver aussi des poches de précarité extrêmement fortes, parfois même plus fortes que dans le nord de l'Angleterre. On peut penser déjà à certains quartiers de Londres, il y a une pauvreté qui est extrême. Et puis aussi dans des territoires, notamment certains territoires littoraux, sur les côtes de la mer du Nord et de la Manche jusqu'en Cornouailles finalement, où là, localement, on va avoir des poches de pauvreté. Et là aussi, c'est quelque chose qui, d'un point de vue, peut-être dans une vision un peu internationale, peut paraître surprenant, parce que là, on va trouver, notamment dans le sud, donc des poches de très forte précarité sur les littoraux, c'est dans d'anciennes stations balnéaires. Des stations balnéaires qui sont devenues désuètes, désertées par les Britanniques qui préfèrent maintenant prendre les vols low cost pour aller sur les plages espagnoles ou méditerranéennes que d'aller dans leurs anciennes stations balnéaires. Et donc là, on va trouver des poches de très forte précarité aussi dans le nord, alors que dans le nord, là, on va trouver aussi quand même des quartiers qui vont être relativement prospères, relativement dynamiques. Donc, en fonction de l'échelle qu'on va choisir dans notre analyse, plus finalement on va regarder les choses au niveau local, plus on va nuancer cette image de fracture nord-sud. Pour revenir à cette période des années 30, est-ce que ce Nord qui est en train de se paupériser, ou certaines régions du Nord, pour bien suivre votre raisonnement, certains endroits accentuent la paupérisation, est-ce lié à la crise de 29, parce qu'on ne peut pas parler encore de désindustrialisation, donc quels sont les symptômes ? Les symptômes, oui, c'est les effets de la crise de 29, et puis une première forme aussi d'obsolescence finalement du matériel productif, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les mines, déjà qui commence déjà à vieillir, parce que là où on a développé des bassins industriels plus récents, on a tout simplement aussi un matériel et des process beaucoup plus efficaces, et donc ce qui rend finalement le Nord aussi un petit peu moins compétitif, on va dire, par rapport à d'autres territoires industriels, que ce soit au Royaume-Uni ou même ailleurs. Alors il faut sans doute comprendre derrière cette explication là le fait que les décisions de l'investissement sont réglées à Londres. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu la nature de cette centralisation. Finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, notamment en France, où On a un développement industriel précoce dans certaines régions. C'est le cas dans le nord de l'Angleterre, c'est le cas en Lorraine, en France. Un développement précoce qui est financé notamment ou permis par une bourgeoisie locale qui investit des capitaux dans ces nouvelles activités industrielles ou minières. Et puis, au fur et à mesure que finalement ces capitaux progressent, que l'industrialisation progresse, peu à peu, on a un déménagement en fait de cette bourgeoisie, de ces capitaux, des régions, jusque dans les capitales, que ce soit donc Londres ou Paris. Et donc, ce qui explique aussi, et la façon dont beaucoup d'historiens qui travaillent sur ces questions expliquent aussi pourquoi il y a des problèmes économiques dans le nord de l'Angleterre, c'est parce que finalement, la bourgeoisie, les capitaux ont déménagé à Londres. Et la décision n'est plus prise des régions du nord, mais des grands sièges de Londres. Avec une accélération des inégalités. Voilà, avec une accélération des inégalités. Et il y a finalement aussi en Europe, une autre région qui a un schéma un petit peu inverse, c'est le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est aussi une vieille région industrielle, une des premières régions à s'industrialiser en Espagne, mais là, la bourgeoisie est restée basque et a continué à réinvestir continuellement dans l'économie basque. Et aujourd'hui, le Pays Basque, c'est l'une des régions, si ce n'est la région la plus riche d'Espagne. Donc, on voit que le positionnement des capitaux, le positionnement de l'investissement, de la prise de décision de ces investissements est quelque chose qui est finalement très important dans l'évolution finalement de ces régions industrielles. Ce qui fait qu'une classe sociale peut être amené à rester sur place, comme vous nous le disiez, dans le Pays Basque espagnol, oui. Ou bouger, et par exemple, descendre vers la capitale, vers Londres. Quelle est la nature de ce mouvement-là? Est-ce lié à une perception identitaire? Rester, c'est affirmer une identité locale, basque en l'occurrence. Lors même que, sur le nord de l'Angleterre, cette question identitaire serait plus diluée? Oui, bien entendu, les histoires nationales de l'Espagne et du Royaume-Uni n'ont strictement rien à voir. Et oui, la question de l'identité régionale est forcément extrêmement importante. Quoique royaume dans les deux cas. Oui, royaume plus ou moins populaire dans ce territoire-là, plus ou moins reconnu, plus ou moins admis voilà, dans ces territoires-là. Guédoni, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la manière dont Londres a tenté, comprenant la nature du danger, en l'occurrence des disparités, restons-en quand même nord-sud, même si on a bien compris qu'il y avait quand même, il valait mieux s'approcher de la carte que de la tenir à trop grande distance, des transferts de compétences. Alors, ces transferts de compétences, à quel moment Londres commence à les opérer? Et dans quelle mesure, à partir du moment où c'est décidé au centre, ça arrive effectivement dans la périphérie à des réactions, à du réel? Alors, Londres n'a jamais réellement opéré de véritable transfert de compétences, en fait, vers ces territoires-là. Tout est resté extrêmement centralisé. Dès les années 30, hein, surtout après dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a des politiques régionales qui sont menées. C'est des politiques d'assistance au territoire. C'est des plans de politique régionale, tout simplement, d'aide régionale, tout simplement. Mais tout reste décidé depuis Londres. Et en fait, le Royaume-Uni est resté un pays extrêmement centralisé jusqu'à la fin des années 1990. Et la décentralisation qui... Donc même sous Thatcher. Même sous Thatcher. Ou peut-être renforcé sous Thatcher. Oui, ça a même été renforcé sous Thatcher. Au Royaume-Uni, l'idée de région, telle qu'on peut par exemple la concevoir en France, tout simplement l'échelon entre le local et le national, n'existe pas concrètement, n'existe pas réellement, n'existe pas traditionnellement. En France, il y a eu des provinces, historiquement, qui finalement correspondent à peu près à l'échelle de la région aujourd'hui. Il y a donc une histoire ancrée. Au Royaume-Uni, on est resté à l'échelle des comtés, donc plus à une échelle vraiment locale, on va dire. C'est du gros local, mais ça reste quand même des territoires locaux. Donc il n'y a jamais eu cet échelon-là. Sous Thatcher, donc gouvernement ultra-conservateur, on va dire, ultra-libéral, qui était essentiellement élu par des électeurs du sud de l'Angleterre, avait comme principal contre-pouvoir, en fait, les grandes agglomérations du nord de l'Angleterre, Manchester, l'agglomération de Liverpool, etc., qui étaient des bastions travaillistes et qui, de par les quelques pouvoirs que pouvaient bénéficier les autorités locales, les territoires locaux, essayaient de mener une forme de contre-pouvoir face à ce gouvernement conservateur et essayaient, en tout cas, de mener une politique d'obstruction par rapport aux politiques telles que Thatcher voulait les mettre en place. Cette obstruction, elle allait même jusqu'à Londres, parce que la ville de Londres était également travailliste à ce moment-là. Donc, juste de l'autre côté, finalement, de la Tamise, par rapport au Parlement de Westminster, par rapport au gouvernement, il y avait déjà une opposition locale extrêmement forte. Et pour contrer cette opposition locale, Thatcher a tout simplement décidé de réformer le gouvernement local. Donc, elle a mené par cette réforme du gouvernement local, une politique en fait de recentralisation du pouvoir. Donc il y a vraiment une forme de recentralisation du pouvoir à partir des années 80. Et justement, il y a un tournant à la fin des années 90, quand les travaillistes avec Tony Blair reprennent le pouvoir, dans leurs promesses, ce qui est forcément pour contrer cette politique des conservateurs qui ôtait le pouvoir aux travaillistes. Les travaillistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont inversé en fait cette tendance et ils ont voulu redonner du pouvoir aux territoires locaux et surtout à l'Écosse et au Pays de Galles. Et donc, à partir de la fin des années 90, donc est menée ce qu'on a appelé la politique de dévolution, mais qui n'a concerné que l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord dans un processus de pacification, donc dans un contexte géopolitique très particulier, et le Grand Londres, en fait. Mais le reste du territoire anglais n'a absolument pas été décentralisé. Il y a eu des tentatives de décentralisation régionale en Angleterre au début des années 2000, mais qui n'ont pas fonctionné. En fait, le territoire anglais est resté extrêmement centralisé. Aujourd'hui, le gouvernement conservateur, donc c'est vrai depuis le début des années 2010, hein, quand les conservateurs ont repris le pouvoir en 2010, le gouvernement Cameron, puis le gouvernement May, mène une volonté de décentraliser, mais ça reste extrêmement timide et en tout cas, cette politique de décentralisation qui est menée vers les territoires locaux, notamment vers certaines grandes villes, grandes agglomérations du Nord, est encadré dans ce que le gouvernement appelle les city deals, c'est-à-dire qu'il faut, c'est donnant-donnant. Il faut que les territoires locaux aussi s'engagent à bien mener une politique locale s'ils veulent davantage de compétences. Donc on n'est pas du tout là dans une décentralisation généralisée. On reste sur un modèle au cas par cas qui va finalement dépendre de la situation de telle ou telle grande agglomération et de ses relations avec le gouvernement central. Bellamy, ma toute dernière question, pardonnez-moi parce qu'elle risque d'être un peu prise comme une mauvaise plaisanterie, mais le Royaume-Uni s'apprête-t-il à perdre le Nord ? Ça... C'est pas d'actualité. Le Nord de l'Angleterre reste quand même très profondément anglais. Il y a certes des sentiments régionalistes, des sentiments identitaires particuliers dans le Nord de l'Angleterre par rapport à Londres, mais les Anglais du Nord sont bien des Anglais. Comment on a voté vis-à-vis du Brexit ? Alors, en 2016, le référendum du Brexit, traditionnellement, le Nord de l'Angleterre vote plutôt travailliste et le Sud vote plutôt conservateur. Donc, ce clivage Nord-Sud, il existe aussi au niveau électoral, surtout depuis en fait, les années Thatcher. Donc, traditionnellement, on a ce clivage électoral Nord-Sud, mais quand on analyse les résultats du Brexit, on n'a absolument pas ce clivage. C'est-à-dire qu'au Nord, on va avoir des phénomènes électoraux tout à fait comparables à ce qui se passe au Sud. C'est-à-dire que au Nord, les centres-villes ont massivement voté pour rester dans l'Union européenne. C'est-à-dire que le centre de Manchester, le centre de Liverpool, le centre de Newcastle ont voté pour rester dans l'Union européenne. Alors que les territoires périphériques, eux, ont plutôt voté pour quitter l'Union européenne. Et les plus forts taux... du livre, donc pour quitter l'Union européenne, on va les retrouver. Alors si on se place à l'échelle du nord de l'Angleterre, ça va être dans des petites villes ou des villes moyennes périphériques des grandes conurbations, qui sont en fait bien souvent de vieilles villes industrielles qui sont un petit peu oubliées. Et puis en dehors des conurbations, en dehors des grandes agglomérations, elles sont vraiment à l'écart d'un nouveau dynamisme qu'on peut trouver justement dans ces grandes villes du nord. Hein. Aujourd'hui, la situation du cœur de Manchester, même du cœur de Liverpool, du cœur de Newcastle, c'est des villes qui ont retrouvé une vraie croissance, un vrai dynamisme. Pardonnez-moi, conurbation, qu'on le comprenne bien. C'est la conséquence un petit peu de l'industrialisation de ces régions du nord de l'Angleterre qui ont créé en fait, de très très vastes et de très très étendus espaces urbains avec des cœurs. Donc, les cœurs, ça va être Manchester, Liverpool, etc., toutes les villes que je vous ai citées. Et puis, tout autour vont s'agglomérer des villes, des petites villes moyennes, des bourgs souvent préexistants qui, au fur et à mesure de l'industrialisation, se sont soudés dans un très vaste tissu urbain. Et donc, une conurbation en géographie, c'est une agglomération, mais avec plusieurs centres. Même si parfois il va y avoir un centre qui va dominer, il y a quand même plusieurs centres. C'est pas le schéma classique d'une ville-centre avec sa banlieue, sa périphérie autour là. C'est un espèce d'agglomérat comme ça, d'agglomérations urbaines qui se sont rejointes, surtout au moment de l'industrialisation. Et donc, pour les résultats du Brexit, C'est ces petites villes qui sont loin finalement des centres-villes, des grands centres-villes, qui ont beaucoup voté pour quitter l'Union européenne. Mais là où on retrouve en fait les scores pour le Leave les plus importants, c'est pas dans le nord de l'Angleterre, c'est sur la côte est de l'Angleterre. Est-ce que ces résultats vous ont étonné ? Oui, la victoire du Leave tout simplement a quand même étonné, parce que c'est un résultat qui était inattendu. Personnellement, ça m'a beaucoup surpris. Ce qui est également surprenant, c'est que, travaillant sur le nord de l'Angleterre, je me suis aussi rendu compte que ce sont parfois des territoires qui ont beaucoup bénéficié des aides européennes, ou qui bénéficient beaucoup d'être dans l'Union européenne, qui ont voté pour le Brexit. Je vais prendre justement l'exemple d'une de ces villes un petit peu à l'écart des grands centres, c'est la ville de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Newcastle. Sunderland, en fait, c'est une ville industrielle qui est essentiellement minière et qui a connu aussi une très forte croissance autour des chantiers navals. Aujourd'hui, il n'y a plus de mines, il n'y a plus de chantiers navals. Et c'est une ville qui n'a jamais réellement retrouvé vraiment une situation économique assez satisfaisante, et il y a des poches de précarité qui sont extrêmement fortes dans cette ville. Il y a quand même des activités palliatives finalement à ces industries qui se sont installées, notamment une usine Nissan. Et cette usine Nissan était vue à ce moment-là, dans les années 80, comme un symbole extrêmement fort. Déjà parce que le Nord attirait des capitaux étrangers. C'était peut-être le signe d'un renouveau industriel. De nouvelles activités s'implantaient là, ça donnait du travail. Et aujourd'hui, cette usine Nissan emploie 7000 personnes directement et génère 27000 emplois indirects. Donc c'est le premier employeur de la ville, de très loin en fait. C'est de très loin le premier employeur de la ville. Si Nissan s'est installé là, dans les années 80, c'était pour avoir un pied dans le marché commun. C'était pour avoir un pied dans ce qui était à l'époque la CEE. Finalement, cette usine Nissan, elle doit à la fois sa localisation et sa prospérité, parce que le Royaume-Uni est situé dans l'Union européenne. Et Sunderland a voté à 61% pour quitter l'Union européenne. Alors, c'est là que ça peut paraître très surprenant. La faute à Carlos Ghosn. Non, pardon. Alors, c'est une usine en plus qui est extrêmement symbolique, parce que, compte tenu un petit peu de son caractère symbolique quand elle s'est implantée dans les années 80, ça a toujours été un petit peu le symbole et le baromètre, oui, des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Par exemple, à la fin des années 90, je me souviens, on interrogeait, quand il était encore question que le Royaume-Uni pourrait, pourquoi pas, adopter l'euro, à chaque fois, on interviewait le patron de Nissan Sunderland ou le grand patron de Nissan pour savoir ce qu'il en pensait. Et à chaque fois, bien entendu, le grand patron de Nissan disait qu'il fallait absolument que le Royaume-Uni rentre le plus possible dans l'Union européenne. Ça montre bien, donc, ce résultat-là, que finalement, ce vote pour le Leave, c'est essentiellement un vote identitaire. C'est même pas un vote de raison, parce que les gens à Sunderland, la raison, ça serait de voter pour l'Union européenne. Mais ici, on est vraiment dans un vote identitaire. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que début février, Nissan a annoncé qu'ils allaient renoncer à construire leur nouveau SUV à Sunderland pour le construire au Japon. Là, c'est la faute à Carlos Ghosn. C'est en réponse, en fait, à Carlos Ghosn que ça a été décidé. Marc Belloni, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Si on veut vous lire, je renvoie à cet article déjà paru dans la revue Outre-Terre, Nord de l'Angleterre, enjeu géopolitique d'un territoire périphérique, mais peut-être d'autres articles ailleurs concernant cette géographie politique du Nord de l'Angleterre. Oui. J'ai publié plusieurs articles qu'on peut retrouver sur ma page web, sur le site donc de l'Université de Lorraine. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup à vous. Should I stay or should I go? Sur le site d'Histoire Vivante, vous pourrez trouver quelques compléments de cet entretien auprès de Marc Belloni, ainsi que les références concernant ce numéro de la revue Outre-Terre, qui nous a permis de préparer ces entretiens, mis en onde par Christian Morero. We'll be right back.